Il est nommé consul, premier triumvirat. De ses deux compétiteurs au consulat, Lucius Luceius et Marcus Bibulus, il s'attacha le premier qui avait moins de crédit, mais une grande fortune, à condition que celui-ci associerait le nom de César au sien dans ses largesses aux centuries. Les optimates, instruits de ce marché, dont ils craignaient les suites, et persuadés que César, avec la plus haute magistrature de l'État et un collègue tout à lui, ne mettrait pas de bord là son audace, voulurent que Bibulus fît aux centuries les mêmes promesses, et la plupart d'entre eux se cotisèrent à cet effet. Caton lui-même avoua que cette fois la corruption profiterait à la République. César fut donc nommé consul avec Bibulus. Les optimates n'eurent plus d'autres ressources que d'assigner au futur consul des départements sans importance, à savoir ceux des bois et des pâturages. Excité surtout par cette injure, César ne négligea aucun moyen de s'attacher à Gaius Pompée, alors irrité lui-même contre les sénateurs de ce que, malgré ses victoires sur le roi Mithridate, ils hésitaient à ratifier ses actes. Il le réconcilia aussi avec Marcus Crassus, qui était resté son ennemi depuis les violentes querelles de leur consulat, et il conclut avec eux une alliance en vertu de laquelle rien ne devrait se faire dans l'état de ce qui déplairait à l'un des rois.